épuisé la valise, couru dans la cuisine. L'odeur du bouillon froid, le chat noir dans la bassine. Les voix qui montent au long du mur, la chambre est par ici. Nation entière.